partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous jusqu'à 11h ou 23h si vous préférez. Ce soir, on donne le coup d'envoi avec une nouveauté en provenance du Royaume-Uni. C'est le nouvel album de Oliver Wakeman, et oui, le fils du réputé et légendaire Rick Wakeman. Un nouvel album, en fait c'est son 11e album qui a pour titre Anam Cara. C'est l'apparition est prévue pour le 17 mai, un disque, je dirais, qui est un peu d'inspiration celtique. Et ce n'est donc pas une surprise, on y retrouve parmi les musiciens invités Troy Donnelly de Iona. Et puis on a aussi Oliver Day de Fragile. Un disque qui vient s'ajouter à une discographie assez étoffée, merci. On se rappelle que Oliver Wakeman a fait partie de Yes de 2008 à 2011 et qu'elle a contribué notamment à Fly From Here. Et puis, il a aussi collaboré avec The Strobs, incidemment une autre ex-formation de son père Rick Wakeman. On peut aussi ajouter à cette feuille de route trois albums avec Clive Nolan, le claviériste de Pendragon notamment. Trois albums qui ont pour titre Jabberwocky, paru en 1999, The Hound of the Baskervilles, paru en 2002, et Dark Fables en 2021. Et puis après, on va avoir un extrait de l'album Core de la formation américaine Circuline, et c'est la pièce Third Rail. Et par la suite, Marc, on a un artiste canadien qui prend la relève. Oui, et on parle ici du multi-instrumentiste-compositeur canadien Rick Miller, et on aura un extrait de son nouvel album, l'excellent One of the Many. C'est son 18e en carrière, qui dure depuis 40 ans, certainement son meilleur jusqu'à maintenant. On aura pour vous ce soir la pièce Time Goes On, et ce sera suivi de la formation Orchestral, qui a été fondée par un des membres fondateurs de Hawkwind, le bassiste Alan Davey. Il y a la participation de Nick Turner, Hugh Lloyd Linton, Simon House et Mick Slattery. Il y a également William Shatner, celui qui faisait le Captain Kirk, le batteur Carmine Appice et plus encore. Donc, leur nouvel album, Chaos Rock, paraîtra le 12 avril prochain et on aura pour vous ce soir la pièce Kinny Kinnick Special. Mais comme vous le disait Michel, on débute d'abord avec la nouveauté de Oliver Wakeman. He stands under the marble arch, wondering if she knows why. He hasn't seen the dawn for days. Sky. He thinks that she's a businesswoman from an uptown firm he knows. Ignorant of her secret life, it's the one she never posed. If he finds out, it could break his heart, be the end of him. Scientists aren't supposed to feel, it's the way it's all. Yeah. He stands under the marble arch. She approaches through the night. To be seen again, never to be heard. never any contact. He never heard a word. The street light starts to dim. The dawn begins to break. He turns to face the sunrise, and his heart begins to ache, and he says, "Oh,

Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. La Rotonde présente B-Side de Marie Bellan. Une performance dansée exploitant la radio en direct. Chaque soir, trois interprètes relèvent le défi de bouger et parler comme les médias, diffusés en simultané dans leurs oreilles. Receiving you, five. Une expérience périlleuse à essayer soi-même avant le spectacle. B-Side. Du 3 au 6 avril à la Maison pour la danse. larotonde.qc.ca. Chaque année, le service d'entraide Basse-Ville offre des services essentiels à très bas prix ou gratuitement à plus de 14 000 personnes vulnérables à Québec. Pour pouvoir alimenter la distribution alimentaire, la friperie et le service de livraison de meubles, l'organisme a besoin de près de 230 000 $ par année, dont 30 % proviennent des donateurs. C'est pourquoi votre aide est indispensable au bon développement de ces activités. Si vous aussi vous voulez valoriser l'entraide et le partage, faites un don au sebv.ca/donner. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz et du rock progressif avec un programme double des Living Brothers et de California Guitar Trio. Voyez les Living Brothers, quatuor dirigé par le célèbre bassiste Tony Levin et son frère Pete. Une première visite à Québec pour la formation jazz. California Guitar Trio est de retour pour livrer du matériel original ainsi que des reprises audacieuses des grands classiques du rock progressif. Les Levin Brothers et California Guitar Trio en programme double le 5 avril au Palais Montcalm. Billets en vente au palaismontcalm.ca. C'est le retour du plus grand festival du monde occidental, le Festival de Contes et Menteries de Québec. Du 2 au 7 avril 2024, à la Maison de la Littérature, des tonnes d'événements, dont le célèbre concours de menteries, des spectacles web diffusés simultanément et des capsules de contes en langue des signes québécoises sur Facebook, présentées par les Amis Imaginaires, diffuseurs de contes, de légendes et de menteries. Programmation complète sur lesamisimaginaires.ca. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à Terra Incognita avec Marc Chonnet et Michel Bilodeau. Pour amorcer cette seconde demi-heure, on a une nouveauté qui nous provient des États-Unis, de Seattle pour être plus précis. C'est le chanteur Michael True de Moon Letters qui nous a envoyé deux pièces inédites qui ont été placés hier sur sa page Bandcamp, et il s'agit de Never Going to Touch the Ground, et c'est ce qu'on va écouter ce soir. Et il y a aussi une version d'une pièce de Nick Drake, le défunt Nick Drake, un extrait de l'album Pink Moon paru en 1972, et c'est la pièce Free Ride. Mais pour ce soir, on va écouter Never Going to Touch the Ground. Ce sera suivi de In Silva, un groupe montréalais mis sur pied en 2021 par le guitariste Thomas Polichuk et par le claviériste, réalisateur et compositeur Will Regnier. Un premier album, donc, qui a pour titre She, ça sera lancé le 5 avril. Et on se rappelle que Thomas Polichuk a donné le coup d'envoi l'année dernière du festival Terra Incognita avec son groupe Polichuk. Eh bien, cette année, il se produit de nouveau dans le cadre du festival, cette fois avec In Silva. Donc, Thomas Polichuk et Will Regnier vont ouvrir la journée du dimanche à 16h30 pour nous présenter ce nouvel album qui va être disponible le 5 avril. Incidemment, Will Regnier a aussi lancé en février un album qui a pour titre « Trace » sous son nom. Et on peut dire que le concert du dimanche 19 mai, c'est un peu un concert lancement pour le groupe In Silva. Ce soir, on vous donne un avant-goût de cet album en vous présentant deux pièces. Et puis Marc, par la suite, on accueille un collectif avec de nombreux membres. Oui, on parle ici de The Prog Collective, qui est le projet de Billy Sherwood, bassiste de la formation Yes. Et on aura un extrait de leur album Seeking Peace, paru en 2023, qui comporte des pièces avec, entre autres, Sonia Christina et Jordan Rhodes. Il y a James Labrie et Patrick Moraz. Il y a Steve Morse, David Sanchez, Steve Village, John Davison et Jeff Downs et d'autres. Alors, la pièce qu'on aura pour vous ce soir, c'est In an Instant, une pièce composée par Steve Stevens et Billy Sherwood et le Prog Collective. Et ce sera suivi d'un artiste de Québec avec la formation A Blur Within, qui est un projet solo du multi-instrumentiste et batteur Loïc Paradis Laperrière de Québec, donc qui est dans plusieurs projets dont Syme, À l'ombre des Méras, Day of Change, Surette, Bleu Kérosène, pour n'en nommer que ceux-ci. Alors donc, c'est son premier album complet qui a pour titre Distance from Self, qui vient de paraître au début mars, et on aura pour vous ce soir la pièce Dusk on a Plastic Ocean. Et comme vous disait Michel, on débute avec une pièce inédite de Michael True. Magic Mountain is throwing me around. This could end badly if you let me down. I'm never gonna touch the ground. No one knows what you're trying to create. You're trying to escape it all for now. Never gonna touch the ground. Never gonna touch the ground. Never gonna ever touch the ground. Fly from the mountains down, blending the names of the town. Never gonna touch the something that was never gonna fade. All my favorite things about myself are things you like to put down. I'm never gonna touch the ground. Never gonna ever touch the ground. both know that love can grow. I can't fake attraction now. Don't you dare slut shame me, Mr. Nice Guy. This goddamn town's out to make me inside. You claim you wanna help me. Well, that's a nice try. I'll navigate around here without a nice guy. I'm a girl who was betrayed by another guy like you one day. Enemy looking for the lost boundaries. lost puzzle piece. Take him by the back. All you know is what you see. Looking for the eyes of the beast. Take him by surprise. We fill him to our new existence. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Après le succès retentissant de Four Men et sa seconde création encensée par la critique renversée à l'ananas, la compagnie de théâtre Mon père est mort présente Baby Shower du 2 au 20 avril à Premier Acte. La pièce créée par Catherine Côté pose un regard lucide sur la rivalité féminine dans la sphère de la maternité. Une comédie dramatique qui aborde avec sensibilité et finesse le sujet du deuil périnatal et qui célèbre la puissance des femmes. Pour plus d'informations ou l'achat de billets, rendez-vous au premieracte.ca. Deux décennies de carrière auront permis à Kate Kuna d'assembler une œuvre musicale où l'insolence nourrit la beauté. Son dernier album double, Métastase, est acclamé par la critique. Il est sans équivoque l'un des auteurs, compositeurs, interprètes les plus agiles de sa génération. Voyez Kate Kuna sur scène le 10 mai prochain à l'Impérial Belle de Québec. KateKuna.com pour toutes les dates de spectacle. Les Amis imaginaires présentent Conteurs oubliés. Aujourd'hui, Louis-Ferdinand André Michel de La Rosière et de Chamboul-les-Aunes, de Saint-Castin et de l'Allure-sur-Combe, dit Marcoux. Il fut l'un des conteurs les plus prolifiques de la basse ville de Québec durant la deuxième moitié du 18e siècle. Incompris de ses contemporains parce qu'il compte en japonais, il fut néanmoins apprécié pour sa gestuelle intense, ses vêtements exotiques et, surtout, pour l'alcool qu'il distribuait allègrement lors de ses spectacles. Louis-Ferdinand André Michel de La Rosière de Chamboul-les-Aunes, de Saint-Castin et de Lure-sur-Combe, dit Marcoux, un autre conteur méconnu qui ne sera pas présent du 2 au 7 avril au Festival de contes et menteries de Québec. Audiolite, amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura pour vous, entre autres, la formation italienne Golem, Gravitational Objects of Light, Energy and Mysticism. Et ce sera un extrait de leur seul album en carrière jusqu'à maintenant, paru en mars 2022. Et on aura pour vous la pièce titre. On aura également un extrait du plus récent album de la formation The Chronicles of Father Robin, qui est un super groupe norvégien. Ce sera tiré de leur plus récent album, The Songs and Tales of Aeroa Book 3. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une très bonne formation grecque. Oui, on parle de Residuos Mentales, qui est en fait le projet du claviériste Stratos Morianos et du flûtiste et guitariste Alessandros Mantas. Et c'est un duo qui a été mis sur pied en 2012. Et un premier album est paru en 2018 sous le titre de Introspection. Et puis l'année dernière, le tandem a frappé un grand coup avec son second album, A Temporary State of Bliss. Je pense que ça a été un de nos albums préférés à toi et moi, Marc, de 2023. Et avec raison, c'est vraiment excellent. Et je pense qu'on peut classer sans la moindre hésitation cet album parmi les très bons albums de rock progressif grec. Ce soir, on vous présente un extrait de Temporary State of Bliss et c'est la pièce A Series of Self-Correcting Errors. Thank you. Astrological chronicle showing the birth of life. Up to court, the empress of the sun giving to each one. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Bientôt à l'Anglicane, retrouvez ses voix uniques. Le 12 avril, le chanteur Johan revient après 5 ans d'absence et un nouveau son country. Le 19 avril, voyez la chanteuse de jazz, Thérèse Moncalme, dans un spectacle enivrant. Le 24 avril, laissez-vous transporter par le charme d'Émilie-Claire Barlow. Réservez vos places dès maintenant à l'Anglicane de Lévis. Billets disponibles au espacedcl.ca. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Dans le prochain bloc musical, on aura pour vous la formation suédoise Tretio Origa Kriget, qui avait débuté dans les années 70. Ils ont fait paraître 5 albums entre 1974 et 81. Ensuite, il y a eu une période de pause et ont présenté un album en 2004. Ils ont, dans les années 2000, fait paraître 5 albums. On aura pour vous ici un extrait de leur album After After, qui est paru en 2011. C'était leur 8e en carrière. Et leur plus récent, Till Horizonten, est paru en 2021. Donc, on aura la pièce-titre de cet album. Et Michel, pour débuter le bloc musical, on ira avec une formation américaine. Oui, avec une formation de Minneapolis, pour être plus précis. Il s'agit de Bob O'Matt, un groupe qui a 3 albums à son actif. Such Fine Particles of the Universe, qui est paru en 2001. Edith Peptide, en 2017. Et Turf Ascension en 2022. Et ce soir, on vous présente un extrait du 3e album Turf Ascension, et c'est la pièce Decrypted. Oh, Löven en grön korridor som går genom kvällarnas minnen. Du blåser på ällen av år och ser på hur röken försvinner. Ett juni landskap kring en vik, det är som en bok du kan öppna. På ett ställe fattas en flik, sen läser du utan att tröttna. Om början och slutet på alla fester, där kärleken själv var bandets gäster. Men oron tar ingen semester förrän efter. Kvällshimlen blir till orange, ett urop i Wallenbergsparken. Somligas själ är en plansch, andras är molnen på marken. Er ungdom blev sittande kvar i trädgården utanför tiden. Ett samtal om vilka ni var, flickorna runt omkring kriget. Om början och slutet på alla fester, där kärleken själv var brandes gäster. Men oro tar ingen semester. så sikte du där vid ditt bord med fönstret på glänt emot natten. Och saknade också er du bland alla som skridit i vatten. I vägghörnet hänger din bild, den ritades en gång av någon. En gång fanns hon nära intill, hon lämnade alla med frågor om början och slutet på alla fester där kärleken själv var bland dess gäster. Men oro tar ingen semester förrän efter, efter. Pour conclure l'émission ce soir, on a retenu une formation des Pays-Bas qui a pour nom Tryon. Et c'est un groupe qui a été formé au début des années 2000 par des musiciens de Flamborough Head et de Odysseys. Trois albums à son actif, Tortoise paru en 2003, Pilgrim en 2007 et Funfair Fantasy en 2013. Ce soir, on a retenu une pièce du premier essai, c'est-à-dire Tortoise, et c'est la pièce titre de cet album. C'était Marc Chonet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21 heures. Merci d'avoir été des nôtres et d'être fidèles au rendez-vous. Je vous invite à nous revenir évidemment la semaine prochaine pour un bon 2 heures de rock progressif. Restez à l'écoute, l'autoroute suit dans quelques instants. We'll be right back.